L'émission tient presque à sa fin. On est rendu au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et on va commencer ça dans quelques instants avec Jeremy and the Delicious Hound. Mais je voudrais vous inviter à aller faire un tour sur ma page Facebook. Si vous ne connaissez pas Jeremy and the Delicious Hounds, eh bien, vous pouvez voir un clip sur ma page Facebook. Ils sont en spectacle. Ça vous donne une idée du son du groupe. Et aussi, vous avez un petit clip assez comique de présentation de l'émission Balade qui leur ont adressé. Donc, Jeremy de Delicious Sound qui sont en entrevue. Et ils sont de Saint-Boniface. Et assez intéressant, assez drôle comme petit clip. Mais c'est vraiment bien fait. De l'excellente musique. Ils étaient du côté du champ d'Ouest, si je ne me trompe pas, en Colombie-Britannique, là, une semaine ou deux là, de ça. Bien sûr, ils continuent sûrement à travailler sur un album complet bientôt ou en tournée. On va mettre un homme là-dessus à savoir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un album qui s'en vient? Je vais vous faire entendre Allez-y, très bonne pièce. Si vous aimez le soul, le funk, eh bien, je pense que vous allez être satisfait. Vous allez aimer ça, j'en suis certain. Par la suite, je vais faire entendre une pièce qui s'appelle Danse Pense, tirée de l'album Hyperbole de Daniel Leroy, qui est batteur aussi de la région de Winnipeg-Saint-Boniface. Je sais qu'il y a un projet anglophone aussi, là, souvent c'est comme ça dans l'Ouest, là. On joue avec les deux langues, donc j'ai pas d'autres nouvelles par rapport à ce projet-là, mais on va entendre Daniel Leroy dans quelques instants avec Danse Pense. Mais juste avant, un peu de funk, pourquoi pas, voici Jeremy and the Delicious Sound. Ça s'appelle tout simplement « Allez-y ». Chaque jour c'est un autre voyage. Pas trop sûr où je m'en vais. Ça me dérange pas, je suis pas inquiet. Un nouveau jour et c'est parti. J'avance, j'apprends, fait accompli. J'ai mis côté tous mes soucis. Maintenant c'est que la belle vie. Allez, allez, allez-y. Faut partir pour y arriver. Allez, allez, allez-y. Sans y penser. Faut pas trop prendre. Moi je fais le canard chaque fois qu'il pleut. Mes problèmes, mes ennuis me glissent sur le dos et puis s'enfuient. Allez, allez, allez-y. Faut partir pour y arriver. T'es la première pour tes réponses. N'aie pas peur, vas-y planche. T'es la première à l'éponce. N'aie pas peur, vas-y planche. T'es la première pour tes réponses. N'aie pas peur, vas-y planche. T'es la première pour tes réponses. Tu me donnes la niaque, aphrodisiaque, le goût de me défouler dans mon salon. Quand je touille, ça me chatouille, que je sois bien paré ou sans pantalon. Tu me donnes une claque, je deviens fou braque, m'en fous pas plus pour perdre la raison. Mon eau qui bouille, mon corps qui grouille, au 440 de ton diapason. Tu m'envoies en l'air, et tu me ramènes sur terre quand tu me dis danse, danse, danse, à ta façon. Danse, danse, danse, comme quand la son. Danse, danse, danse, à ta façon. Danse, danse, danse. Je paye ma part, mon adhésion au culte de la personnalité. Mais de la guenuche à la coqueluche, aucun ne touche à l'immortalité. Tu chasses le doute, la dérision, t'inspires en moi une autre réalité. Je suis plus l'autruche, tête dans la ruche, collée au miel de sa fatalité. Tu m'envoies en l'air, et tu me ramènes sur terre quand tu me dis danse, danse, danse, à ta façon. Danse, danse, danse, con corazón. Danse, danse, danse, à ta façon. Danse, danse. Pense de M. Daniel Roy de Winnipeg, Saint-Boniface plus précisément, au Manitoba, on va le dire Alberta. Non, c'est Manitoba, Saint-Boniface. Et très occupé dans son domaine à ce niveau-là, Daniel Roy, il a réalisé des albums, il a écrit et enregistré des albums. Il est batteur aussi pour différentes formations, différents projets en français, en anglais. Et aussi, dernière nouvelle, il était peut-être batteur également pour Jocelyne Baribeau. Donc, un gars très impliqué au niveau de la culture musicale du Manitoba. Très bon album, Hyperbole. Peut-être disponible à l'APCM, www.apcm.ca. Allez voir ça. Donc, vraiment intéressant. On va mettre un homme là-dessus, à savoir s'il y a un autre album, un troisième album francophone qui s'en vient pour lui. Ça serait bien plaisant. Là, on va y aller du côté de la Saskatchewan avec Sean Jobin qui poursuit sa tournée à travers le pays. Le 2 novembre, il sera à Québec, au Théâtre Le Petit Champlain, en compagnie de Alpha Toshineza. Et aussi, le 8 novembre, il sera à Winnipeg pour les coups de cœur francophones. Et le 23 novembre, à Whitehorse, Yukon, oui, mesdames et messieurs, au Centre des Arts, pour faire un spectacle comme ça de musique hip-hop francophone hors Québec. Donc, Sean Jobin, j'ai décidé de vous envoyer de son album Éléphant la pièce « Danse ta vie ». Ça va vous faire danser également. Donc, très bon beat de dance, vraiment bien fait, bien le fun à entendre. Donc, on va entendre ça dans quelques instants. Par la suite, on va changer un peu de mood, plus lounge, plus jazz, plus hip-hop. Ça va être Visionnaire de Alpha Toshineza, qui, lui, de son album Jazz Inuit, vraiment intéressant aussi. Ces albums-là sont peut-être disponibles via l'APCM.

j'osais la lire. À cœur ouvert, je me suis livré à celui qui me délivre de mes démons et de mes vices. Visionnaire, tel Léonard de Vinci, je rêvais d'un clip en hélico à la Run DMC. Pendant que tu cours après ce métro boulot dodo, une virgule et par le nombre de likes dans tes réseaux sociaux, transformé pour manifester l'étendue bonté de mon créateur. Défenseur ardent d'abonneurs indépendants de vos ondes négatives, j'y vais fort lorsqu'il s'agit de péter vos stéréotypes. Pas du type à croire être meilleur que quiconque, mais je ne baisserai pas le regard devant quiconque. Ma vie n'est pas de cette terre, mon horizon est extraterrestre et ma vision extra-céleste. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Alpha s'en va en guerre, t'es la mercenaire. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, j'élargis mes horizons, je suis un visionnaire. Visionnaire. Je crois qu'elle est plus bonne celle-là. Ok. Et voilà, monsieur Alpha Toshinesa de son album Jazz Inuit, la pièce Visionnaire, très intéressant, avec un mood un peu 70, hein, c'est les claviers, là, c'est vraiment intéressant. Donc, j'aime bien ça et ça me fait plaisir de faire tourner ça. J'ai hâte, en passant, c'est en janvier, il va y avoir le Contact Ontarois du côté d'Ottawa. Je ne sais pas si ces artistes-là vont y être. Au printemps, il y a les prix Triangle qui s'en viennent. Et puis, ils vont sûrement être là pour les prix Triangle. Ça va faire plaisir de les rencontrer, jaser avec eux. Et puis, avoir beaucoup de plaisir à échanger comme ça. La fin arrive. Et oui, la fin de l'émission arrive. Mais il me reste le temps d'une dernière chanson. Un peu longue, mais intéressante. C'est Daniel Hébert de l'Ouest canadien qui, à l'époque, avait sorti un album 50-50. Elle est guitariste, auteur, compositrice, interprète. Et sur son album, il y avait une longue pièce assez intéressante. Ça s'appelle « Coucher de soleil, lever de lune ». Vraiment très, très, très, très bien fait. Une espèce de rock planant là, avec un très beau texte. Ça, c'est ce qui va terminer l'émission. Bien entendu, j'ai quelques nouvelles à vous donner de Danielle. Elle réside toujours du côté de Istanbul, comme ça. Donc, elle fait toujours de la musique. Est-ce qu'on la verra de nouveau au Canada un jour? On l'espère. Et j'espère même la croiser et jaser avec elle, prendre un café. On l'écoute. Voici Daniel Hébert, coucher de soleil, lever de lune. Coucher de soleil, lever de lune, espace-temps entre deux vies. Un enfant est né, un enfant grandit, un enfant n'est plus. Et c'est sa vie qu'il faut vivre. Tu sèmes aux quatre vents des mots, et tu penses à tous ces gens qui courent. Tu t'inventes des cachettes d'or, espérant voir le temps.